Les grands hommes appartiennent à leurs œuvres. Leur détachement de toute chose, leur dévouement au travail, les constituent égoïstes aux yeux des niais, car on les veut vêtus des mêmes habits que le dandy, accomplissant les évolutions sociales, appelées devoirs du monde. On voudrait les lions de l'Atlas peignés et parfumés comme des bichons de marquise. Ces hommes, qui comptent peu de pères et qui les rencontrent rarement, tombent dans l'exclusivité de la solitude. Ils deviennent inexplicables pour la majorité, composée, comme on le sait, de sots, d'envieux, d'ignorants et de gens superficiels. Comprenez-vous maintenant le rôle d'une femme auprès de ces grandioses exceptions ? Une femme doit être à la fois ce qu'avait été Lisbeth pendant 5 ans et offrir de plus l'amour, l'amour humble, discret, toujours prêt, toujours souriant. Hortense, éclairée par ses souffrances de mère, pressée par d'affreuses nécessités, s'apercevait trop tard des fautes que son excessif amour lui avait fait involontairement commettre. Mais en digne fille de sa mère, son cœur se brisait à l'idée de tourmenter Venceslas. Elle aimait trop pour se faire le bourreau de son cher poète. Elle voyait arriver le moment où la misère allait l'atteindre, elle, son fils et son mari.